Mon nom est Trunks. Ça peut paraître étrange, mais je viens de 20 ans dans le futur grâce à une machine à voyager dans le temps. C'est incroyable! Ah, ça a sauté! Oh! Yannick Rome! Oh, oh, du monde! Leur puissance est stupéfiante! Okay. Même selon nos standards, ce sont des monstres! Oui! Bonjour, bonjour à toutes et à tous dans ce nouvel épisode d'AniMinute EX Alpha Prime. Et oui, et je suis, vous l'avez entendu, avec mon très cher Eric. Comment ça va ? Eh ben ça va très bien. Et toi, comment tu vas, Arthur ? Bah écoute, ça va très bien. Très très bien. Double très bien. On se retrouve donc pour un nouvel épisode et pour un nouveau jeu que nous a encore une fois très généreusement envoyé Core Media. Merci Core Media. Les frérots, hein, les frérots, on peut dire. Ah oui, bah là c'est les brothers, c'est les bros. Est-ce qu'il coulerait pas dans tes veines, genre, est-ce que c'est pas un peu le sang de la veine même? Je pense, je m'entaille, il y a du corps média qui sort. Tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas du corps média qui sort de ton corps? Eh ben, je pense qu'il y a du corps média qui sort de mon corps aussi. Voilà, c'est incroyable, donc encore merci à eux. Et donc, de quoi on va parler aujourd'hui, mon très cher Eric? Eh ben, on va parler d'un jeu qui s'appelle Chorus. Chorus, très bien. Qu'est-ce que Chorus? Eh oui, je me posais les questions. Bah, n'hésite pas à faire tout seul le podcast, écoute, hein, moi, je vais poser le micro. Eh ben, salut. Alors qu'est-ce que Chorus? Qu'est-ce que Chorus? Eh bien Chorus en fait c'est un jeu à la troisième personne. Très bien. Donc c'est un jeu de combat spatial. Donc un jeu du genre pas très répandu, hein, genre de jeu spatial que j'attendais depuis que je suis quand même très petit en fait. Enfin pas très répandu. Moi j'en ai pas. Ça ressemble un peu à Elite Dangerous, à Starlink, tout ça. Peut-être Starlink, mais en plus nerveux, tu vois. Ouais, un Lylat Wars, un Star Fox. Eh ben Star Fox, mais en plus nerveux. Ok, très bien. Genre en plus t'es en open world dans l'espace, mec. Ok, donc c'est vraiment Elite Dangerous, quoi. Ah, et Elite Dangerous, c'est comme ça? Elite Dangerous, c'est la version finie de Star Citizen. Ah, mais c'est pas genre... Ah ouais, mais il est pas sorti, ce truc. Elite Dangerous? Ouais. Si, je crois. Ah bon? Ouais, il y a des choses. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est pas... ouais, bon. Vous avez mais voilà, mais pas en mode méga simulation, quoi. Ah non, c'est vraiment, pas... Vraiment, c'est un jeu d'arcade. C'est arcade, okay. Vraiment, c'est... Très bien. Enfin, moi, je l'ai terminé. J'ai kiffé. Voilà, je l'ai dit, bah voilà, on parle plus du jeu maintenant. Ouais, alors, bah merci d'avoir suivi cet épisode, du coup. Non, en vrai, c'est un style de jeu, donc tout ce qui est shooter spatial, j'en avais très peu vu dans ma vie, j'ai jamais vraiment eu accès à ce genre de jeu. Quand j'avais une Xbox 360, les seuls jeux qui y ressemblaient, c'était soit des jeux multijoueurs, mais dont les serveurs étaient niqués, oh désolé de mon langage. On est où là? Soit c'était pas assez poussé, tu vois. Et là, t'as Chorus qui est apparu, j'ai vu la bande-annonce, j'ai vu les trailers, j'ai suivi un peu le jeu avant même que d'apprendre que Core Media allait nous l'envoyer. Et en fait, c'est le genre de jeu que j'attendais, genre vraiment un space shooter en 3D avec une histoire en plus. Ok. Et chose qu'on voit pas forcément souvent, mais avec des pouvoirs et c'est assumé, tu vois. Est-ce que c'est japonais? Eh ben non. Bah alors, on arrête tout parce que c'est plus dans la ligne édito, je suis désolé, hein. Alors, c'est, voilà, qui a développé ce magnifique jeu? Eh ben, oula! Je pose des questions qui fâchent. C'est Fish Labs. Fish Labs, très Fish bien. Labs qui a créé. Et c'est sorti sur quoi? Eh ben, c'est sorti sur plein de plateformes. C'est sorti sur PS4, très bien. PS5, très bien. Xbox One, très bien. Xbox Series X et Series S, très bien. Stadia, oui, s'il y a des joueurs qui jouent à Stadia, bon bah. Si ça existe encore, voilà. L'heure où vous écoutez. Luna, je sais pas. Pas du tout ce que j'ai. J'avoue que Luna, je ne l'ai pas. Steam, bon, tout le monde sait ce que c'est. Et Epic Store, joueur de Fortnite ou pas. Hein. Ouais. Voilà. Ouais. Et pas sur Switch. Et pas sur Switch. Le jeu étant quand même poussé, vraiment bien poussé graphiquement. Ça dégoûte. Et très, très fluide. Bah, okay. J'aurais adoré l'avoir sur Switch. Hein, l'as testé sur quelle plateforme du coup? Je l'ai testé sur PS4. Très bien, très bien. Alors du coup, est-ce que tu peux nous dire déjà un petit peu pour commencer le gameplay, puisque tu nous parles de shooter spatial. Ah oui, j'arrête pas de vous parler du shooter spatial. Voilà, mais finalement, c'est quoi vraiment un shooter spatial un peu en gameplay? Ça ressemble à quoi en main, manette en main? Eh ben, manette en main, t'es caméra derrière ton vaisseau spatial. Yes. Tu le diriges avec, tu le diriges avec ta manette, le joystick, tout ça. Je te suis. T'as différentes possibilités d'accélérer, donc t'as un peu t'as l'accélération normale, t'es pour se déplacer sur des petites distances. T'as une accélération très très très puissante permettant d'aller d'un point A très éloigné d'un point B. Très bien. Bon, j'aurais dû dire l'inverse, mais voilà. Bien vu. Et oui. Mais tu as différentes possibilités de customisation sur ce vaisseau pour soit avancer plus vite, soit tirer plus vite, soit avoir de nouvelles armes. Enfin bref, la totale, quoi. Et donc, du coup, au niveau de l'histoire, eh ben pour moi, j'avais l'impression de jouer à Star Wars. Genre, je suis Luke Skywalker, j'ai la force, je suis pas Jedi et je sors jamais de mon vaisseau. Et je sauve l'univers de cette manière. Très bien. Genre, j'utilise la force à travers mon vaisseau. Mon vaisseau qui a une IA, mais qui comprend qu'elle est, que c'est une IA. Donc, c'est une, je ne sais plus comment on appelle ça, consciente. Okay. Une IA consciente. Et du coup, on va suivre l'histoire un peu torturée de Nara. Très bien. Nara, c'est une tueuse d'élite d'un clan qui cherche à asservir l'univers, qui s'appelle, qui cherche à mettre l'univers sous le chorus, donc le cœur, qu'ils soient tous sur la même longueur d'onde. Et elle s'est rendue compte que les desseins de ce clan-là sont mauvais, parce qu'en fait c'est des gens qui ont des pouvoirs, en fait j'ai appelé ça des éveillés, c'est pas le vrai terme. Et elle a tellement de puissance qu'elle en a détruit une planète. Ah, très bien. Tu vois, on commence le jeu comme ça, on voit qu'on a détruit une planète, on s'enfuit, on abandonne notre passé, et en fait, à un moment ou à un autre, notre passé vient nous chercher. Donc c'est ce clan qui fout la merde dans tout l'univers. Et donc on pense, une bonne fois pour toutes, on décide de s'en débarrasser, et de débarrasser le mal, enfin l'univers d'un mal qui a pris possession du chef du clan qui fout le bordel sur tout l'univers, en fait. Oui, donc finalement, rien à voir avec les choristes. Et non, ça chante pas. Même s'il y a une histoire de chant, vous chantez pas. Très bien. Et du coup, on avance petit à petit dans le jeu. Et ce que j'ai adoré, en fait, c'est l'apprentissage. Tu vois, ce qui est bien dans un jeu vidéo, je trouve, c'est que tu avances, t'as un nouvel ennemi, on t'apprend à te battre contre lui. Tu continues, tu revois ce même ennemi, tu sais comment te battre contre lui, mais il y a un nouvel ennemi qui arrive, qui va te faire utiliser ce que tu as appris sur l'ancien ennemi et de nouvelles choses. Apprendre via le jeu en lui-même, sans avoir besoin forcément de très gros tutos. Exactement. J'imagine. On lui dit juste, ça c'est un faucon, il a un bouclier, toi tu sais que tu as une arme qui peut détruire les boucliers, tu veux l'utiliser sur lui, voilà. Enfin... Ça c'est agréable, c'est l'apprentissage par le gameplay et par l'avancée. Voilà. Et est-ce que ça se renouvelle pas mal là-dedans ? Oui, en fait tout au long de l'histoire, t'as possibilité d'avoir des nouvelles armes et t'as les pouvoirs, donc je vais appeler ça la force, mais c'est pas la force. Oui, très bien. T'as différents pouvoirs, t'en as quand même 5 qui sont quand même liés à l'histoire. Très bien. Les ennemis sont, selon le type d'ennemi que tu as, il faut utiliser tel ou tel pouvoir. Tu peux quand même utiliser d'autres pouvoirs qui ne sont pas faits pour les ennemis, mais ça sera un peu plus dur, tu vois. Très bien. Donc, il y a un très grand renouvellement. Tu as des missions secondaires qui te permettent d'exploiter ce que tu as utilisé auparavant dans les missions principales. Et ça roule très bien, en fait. Enfin... Et du coup, ça... à la fourchette, à la louche. À la louche. À peu près combien de temps de jeu il te faut pour voir le bout en joueur normal ? Donc je parle pas de 100%, je parle pas de rocher non plus. Alors j'ai pas fait le 100%, j'ai fait toutes les missions principales et toutes les missions secondaires. J'ai pas fait les défis, enfin je les ai fait, mais tu vois, je me suis voilà. Mais voilà, en moyenne. 30-40 heures. Ah quand même, un beau jeu. Et donc tu disais monde ouvert. Du coup, alors c'est pas très radiophonique, mais je te vois fredonner de la tête, genre. Oui. Alors, est-ce que c'est un monde. Alors, tu as dit monde ouvert tout à l'heure. Oui, est-ce oui. Est-ce que peux définir ce monde ouvert ? Est-ce que c'est vraiment un monde ouvert ? Alors, c'est plutôt. Allez, on va dire. Ouais. Non, en fait, c'est pas un monde ouvert comme, par exemple, un GTA ou un truc comme ça. C'est plutôt de très grandes zones. Très, très grandes zones. Mais dans lesquelles tu es libre. Donc, en fait, c'est comme si on. Il y a plusieurs maps. Voilà. Plusieurs zones. Voilà. Ok, donc tu nous as menti. Ah, bah, je suis un menteur. Donc, c'est Destiny, quoi. Quoi ? C'est Destiny. C'est quand même mieux. Je vais pas dire mieux fait parce que c'est pas les mêmes trucs. Mais Destiny, c'est plein de grandes zones, mais c'est pas un monde ouvert. Ah oui, voilà. Bon, alors c'est plein de grandes zones ouvertes. Bah non, elles sont fermées parce que c'est plusieurs zones. Oui, mais tu peux aller d'une zone à une autre en passant par des portails. Oui, c'est une technique de développeur pour faire genre, ouais, on va charger l'autre zone. Mais t'es en train de te foutre de ma gueule là. Un petit peu. Donc voilà. Ah oui, Est-ce que ces zones, déjà, ont plusieurs topologies différentes et est-ce que, surtout, elles ne sont pas vides? Alors, c'est là où je pourrais dire moite-moite. Donc, niveau topologie, elles ont toutes une ambiance différente. Enfin, au niveau de la lumière, au niveau, par exemple, t'as un espace, c'est que des astéroïdes, tu vois. Un autre, c'est plutôt ouvert, mais t'as un ancien laboratoire spatial, tout ça, enfin, voilà. Et sinon, niveau vide, alors, en fait, le truc, c'est que tu peux te déplacer, en fait, tu vas te déplacer. Merci. Jusqu'ici, très bien. Mais t'es pas... Il n'y a pas genre 50 000 choses à faire dans la zone non plus. Je ne demande pas, est-ce qu'il n'y a pas 50 000 choses, mais est-ce que s'il n'y en a que 10, est-ce que c'est 10 choses qui sont cool à faire bon. Ou est-ce qu'il y a quand même, je sais pas, des plumes à les choper, des merdes du genre quoi. Alors, il n'y a pas de choses à collectionner. Non, c'est des choses... Pas de collectionnables, voilà. C'est vraiment à chaque fois pour des missions, pour des défis. Pour des missions ou pour même améliorer ton vaisseau, tu vois, parce que tu as un mode... Des magasins, des choses du genre. Voilà, à un moment, tu as un sixième sens. C'est l'un des premiers pouvoirs que tu as dans le jeu. Qui te permet de ressentir tout ce qu'il y a dans une zone. Est-ce que ça paraît de voir Bruce Willis qui est mort ? Eh ben, je sais pas s'il est mort, mais s'il y avait son corps dans la zone, tu le verrais. Très bien. Et t'irais le récupérer, du coup. Ça aurait été un collectionnable. Parfait. Mais du coup, ça te permet de voir des espèces de boîtes dans lesquelles il y a des matériaux pour améliorer ton vaisseau. Ou juste de l'argent. Des fois, c'est juste de l'argent, tu vois. D'accord. Et t'es libre d'aller chercher ou pas, mais c'est aléatoire. Très bien. Et ensuite, pour continuer sur cet open world, ouais. Est-ce qu'on est sur un open world plutôt très guidé avec pas mal de petites icônes à aller chercher, ou genre c'est pas toi qui va dire ce caillou là, il a l'air de cacher quelque chose, mais plutôt ce caillou là, j'ai une icône qui me dit que j'ai un coffre et du coup je vais aller l'ouvrir. T'as pas d'icône pour te dire que t'as un coffre. Donc faut que tu fouilles toi-même. Faut que tu fouilles un minimum toi-même. Donc oui voilà, si tu veux chercher un coffre, bah t'es obligé de fouiller dans toute la zone, utiliser ton sens de recherche. Très bien. À un moment ou un autre, tu verras une flèche qui va te dire bah tiens, si tu vas par là-bas, il y a peut-être un coffre. Tu vas vers le coffre. C'est semi-guidé quoi, entre guillemets. C'est semi-guidé, et puis t'as quand même des. Enfin, je disais que c'était un peu vide, mais c'est pas forcément vide parce que t'as quand même des activités annexes qui se lancent aléatoirement, genre des méchants qui viennent attaquer dans la zone, donc qui viennent attaquer des civils, toi t'es là, tu vas aller les chasser, tu vas aller les tuer, voilà quoi, tu vas défendre tu vas défendre les innocents. Ok, non mais c'est cool, donc ça m'a l'air pas mal. Bah c'est très dynamique, je me suis pas ennuyé une seule seconde, tu vois. Et en termes de difficulté du jeu, déjà est-ce qu'il y a plusieurs niveaux de difficulté? Il y a plusieurs niveaux de difficulté. Et t'as joué en... Alors, il y en a combien des niveaux de difficulté? Alors, il y en a trois, mais tu as une option qui, pour moi, rajoute un niveau de difficulté. Ouais. Donc, ça ferait une quatrième. Donc, c'est une option mort subite. Donc, tu te fais tuer une fois, bah, tu recommences le jeu. Non, même pas. Tu as tous tes PV. Ouais. Mais si tu te fais... Ah, du coup, c'est peut-être pas mort subite. Mais si tu te fais tuer, la partie, elle s'arrête là, que tu sois au boss de fin ou au boss de début. Oh. Et tu recommences dès le début. Tu vois. Mode roguelike. Enfin, rogue tout court, d'ailleurs. Ouais, voilà. Voilà. Chormé. Donc si t'es vraiment un joueur hardcore, tu vas te mettre des bâtons dans ton vaisseau, du coup, pas dans les roues, vu que ça n'a pas de roues. Voilà. Et ben, tu peux activer cette option. Mais toi, t'as un mode facile, un mode normal, un mode difficile. C'est-à-dire que n'importe qui, genre, je sais pas, je me dis, j'ai jamais joué. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Mais voilà, ce jeu a l'air bien. Ouais. Que je sois un mec qui a joué à deux jeux dans ma vie ou à 45, je peux y aller. Et bien, pour moi, oui. Il y a juste. Bah, de toute façon, le jeu va t'apprendre. Oui, non, ça oui. Mais c'est la manette. Ça te fait utiliser la manette différemment de jeu standard. Tu vois. Mais au final, est-ce que du coup. Bah après, toi, tu dis ça, mais si j'ai pas l'habitude d'utiliser ma manette différemment, au final, ça se trouve, je sortirai pas du tout. Ah bah oui. Ah oui. Bah, si t'as pas fait beaucoup de jeux, si t'en as fait zéro, c'est ton premier jeu, ton deuxième jeu. Oui, non, mais oui. Ça va pas te choquer, mais tu vois, quand tu joues à beaucoup de jeux, où tu pilotes par exemple un avion, ou si tu utilises une voiture, tu vas très vite te rendre compte que c'est pas des commandes standards. Ok. Elles sont adaptées. Oui. Moi, je trouve qu'elles sont adaptées. Très bien adaptées. Elles sont pas standards, mais elles sont intelligentes pour le jeu. Voilà, exactement. Ah, cool, ça me botte bien, ça. Ouais. Très bien. Et graphiquement, alors pas en termes techniques, parce que tu en as déjà parlé. Ouais. En termes de direction artistique, on est plutôt sur quel genre d'univers? Quelque chose qui est très réaliste dans les personnages, dans les vaisseaux, tout ça? Plutôt cartoon, plutôt... Enfin, c'est pas un jeu japonais, mais qui se tirait vers le Japon? Alors pour moi, c'est un jeu qui tire sur le réaliste, Ouais. avec des dimensions quand même assez enfin, poussées sur la science-fiction et les Très mystiques, bien, en ok. fait. Tu vois, tu as plusieurs personnages, donc des personnages à pouvoir. Quand tu regardes leur visage, en fait, ils sont tatoués. Ok. Tu vois, tatoués, mais c'est des tatouages. C'est comme s'ils avaient des runes Ok. tatouées sur le visage, mais ça, c'est parce qu'ils ont beaucoup de pouvoir, en fait, tu vois. Donc ça fait genre, c'est des humains. Tu dis, ouais, ils sont tatoués, mais en fait, quand ils utilisent leur pouvoir, ça brille. Donc Mike Tyson, il a des pouvoirs. Donc, Mike Tyson, il pourrait avoir des pouvoirs. Il J'en a ai. des pouvoirs. J'en Il a ai. des Il a les pouvoirs. oreilles, ça, pouvoir Et déjà. bah, il a un beau pouvoir. Bravo à lui. Puis le méchant principal, tu vois, c'est le méchant de science-fiction avec son masque, avec sa capuche. Enfin, je vais pas Oui, dire que c'est non. Dark Vador, mais voilà quoi. Donc voilà, ça, tu sens une inspiration de cette science-fiction, en tout cas assez Voilà. américaine classique, Star Wars, Dune, peut-être, Ouais, voilà, des œuvres, peut-être de la science-fiction russe, peut-être aussi, Bah, du même genre. français, Ouais. Valérian et Laureline, tu vois, il y a quand même. Quand même, enfin, quand tu sais que Star Wars est tiré de beaucoup de choses, Oui, non, bah ça, voilà, évidemment, tu c'est vois, Star Wars mais. n'a rien à inventer ou très peu de choses. Hein. Voilà. Ça, c'est de son, qui a inventé des choses encore aujourd'hui. Mais donc, si quelqu'un est fan de science-fiction, au sens large du terme, tu penses qu'il y trouve son compte, ne serait-ce que narrativement, dans ce jeu? Ou dans le lore du jeu, en tout cas? Bah, s'il aime un minimum quand même une dimension mystique, il va être servi. Ok. Enfin, tu vois, genre tout un lore au niveau des tribus, des choses comme ça. Donc on serait peut-être plus proche finalement d'un Dune au niveau du lore qu'un Star Wars, quoique les Jedi quand même c'est très mystique, Ouais, enfin, tu vois, les Jedi, c'est quand même mystique, mais dans l'ambiance peut-être mais plus dans ça. l'ambiance brute, je dirais peut-être plus un Dune, Ok. mais dans l'espace. Tu vois ce que je veux Alors dire? Dune, ça C'est alors dans oui, l'espace, mais vrai. Dune ça se passe pas pas dans beaucoup une dans planète, les... tu Je vois. vois ce que C'est je veux dire. vraiment à C'est Dune, ouais, l'extérieur. c'est en Dune dans des vaisseaux quoi. Voilà, c'est Dune dans des Très vaisseaux. bien. Ok. Très très bien. Mais avec des pouvoirs de Star Oui. Wars. Très bien. Tu vois, voilà, ouais, je suis un peu Non, non, tatillon, mais mais. t'as raison d'être précis. Enfin, moi, je l'ai senti comme ça, donc quand vous jouerez au jeu, vous n'hésitez pas à balancer un commentaire pour me dire, ouais, t'avais tort ou t'avais raison. Et est-ce que on peut, ou est-ce que t'aimerais, les deux questions sont finalement les mêmes et différentes, un 2. Eh bien, vu la fin, Ouais. moi, je serais pour un 2, mais T'aimerais, si. est-ce que t'aimerais un 2 ou est-ce que ça s'ouvre à un 2 et du coup, forcément, t'as envie d'un 2? Sans rentrer dans les détails, évidemment, Sans attention. rentrer dans les détails, pour moi, toute l'histoire du 1, bah, tout est réglé. Ouais, d'accord. Donc c'est un jeu qui se finit déjà. C'est un jeu qui se finit. Il n'y Donc a déjà, c'est une bonne nouvelle. pas besoin de suite. Hein, Voilà, donc le jeu se suffit à lui-même déjà. voilà, donc s'ils veulent faire un 2, bah, ça peut être dans le passé de la chère Nara Ouais, ou ou bien, bien plus tard dans le futur, mais Ouais, ou pas. alors peut-être que l'univers est assez large pour avoir d'autres personnages même qui gravitent en même temps. Oui, ou de Je... nouveaux ennemis, tu vois, tout Ouais, non, mais simplement. voilà, je pose des questions. Hein. Je n'ai pas point fait ce jeu, C'est vrai, c'est vrai. évidemment. Mais si vous faites ce jeu, bah, l'histoire se suffit simplement à Voilà, elle-même. donc c'est un jeu que même si finalement le gameplay on peut passer à côté, hein, ça arrive. Oui, ça arrive. C'est un jeu qui peut suivre vraiment pour l'histoire. Oui. On peut Ouais. kiffer, le faire un peu de juste tranquillement, l'histoire, on kiffe quoi. Voilà. Est-ce que c'est très bavard? Alors, Alors c'est pas japonais donc il y a peu de chance, mais c'est dangereux quoi. qu'est-ce que tu appelles très bavard? Est-ce que par exemple, quand je sors d'une mission d'histoire, Nara et son vaisseau vont parler souvent, souvent, souvent, souvent ou... Alors, est-ce que on va se taper 20 minutes de dialogue à lire pour avoir de l'histoire? Pas de cinématique, vraiment de dialogue. Genre des blocs à lire, des choses du genre. Non, Ou est-ce non. que déjà tout est doublé, tout Tout est... est doublé. Ok, donc Désolé de te couper. Non mais t'as Tout raison, vas-y. est doublé et... Genre on se coupe jamais dans 1 minute. Hein. Genre, lol. Tout est doublé. Très bien. Par exemple, quand tu sors d'une mission d'histoire ou même d'une mission secondaire, hein, il va y avoir un petit dialogue, mais Ok. ça va pas durer 20 000 ans, quoi. Ok, et est-ce que quand tu te balades, t'as des fois des dialogues ou des scénettes qui sortent, mais pendant que tu puisses continuer d'avancer, genre tu te balades en vaisseau, et je sais pas, ton personnage va venir à discuter avec du coup l'IA ou avec des choses alentour, des bribes de comme ça qui donnent un peu de corps à l'univers. Oui, Ah. ça m'est déjà arrivé. Par exemple, je vais vers un, bah, je sais pas, vers un endroit. Et je déclenche aucune mission, hein, tu Oui, vois. non, mais oui, Je voilà, c'est juste une balade, vais quoi. vers, aller, on va dire, un laboratoire. Et puis Ouais. le vaisseau va dire, ouais, c'est là que j'ai été créé, par exemple. Elle va faire, ah, je suis désolé pour toi. Enfin, tu vois. Donc oui, il y a quand même des petites scénettes qui font que c'est pas vide, tu vois. Enfin, Voilà, t'as un peu de vie. ta C'est boîte, FF15, quoi. c'est FF15, mais avec un poil moins de vie qu'FF15. Même temps, il n'y a pas. Rien n'est plus beau qu'à dos de chocobo, donc. Eh, c'est vrai. Ta ta ta ta ta ta ta ta. Mais oui. Non, tu... L'association de vie, tu peux la ressentir des fois. Ok, donc en gros, c'est que tu ressens vraiment ce côté voyage, en fait, et t'es peut-être dedans, quoi. Bah, moi, je me suis vraiment ressenti dans un côté spatial, quoi. Si un jour, j'ai des lunettes VR et qu'ils vont jouer en VR, ah oui, bah là, immersion. Très bien. Et du coup, je pense qu'on pourra clôturer là-dessus. Les jeux spatiaux, quand même, c'est des jeux qui, bah, quand même, ambiance, c'est pas mal, hein. On peut voir No Man's Sky, des choses du genre. Ouais. Mais c'est des choses qui sont beaucoup basées, bah, sur le son et sur, pas forcément la musique, mais vraiment cet aspect sans bord, l'ambiance sonore. Est-ce que, alors, je n'ai pas forcément marqué, parce que des fois on s'en rend pas compte, mais est-ce qu'en tout cas on a cette ambiance sonore qui peut vraiment te plonger dedans, ou genre, je mets mon casque, je mets mes enceintes à donf, ouais. Je lance le jeu, et est-ce que là tu te dis, ok, là je suis dans l'espace, là je vais faire des spirales au milieu de planète, quoi. Eh ben, moi j'aurais tendance à dire que oui. Ouais. Parce que, bah, dans l'espace, quand tu es seul dans l'espace, sachant, ouais, que l'espace c'est vide. Ouais, t'as pas vraiment de son. Enfin, c'est ça qui est dur, le sound design de l'espace, c'est que t'as envie de faire du son, mais d'un côté, normalement, t'en as pas. Voilà, t'entends. Le seul son que t'entends, c'est ton moteur, ouais, quand tu parles à ton IA et que ton IA te répond. Ouais. Et quand, par exemple, t'as des missions où, bah, quand tu commences à te castagner contre des ennemis, t'as quand même une musique dynamique et tout. Oui, non, bah ça, et quand, voilà, t'es en histoire, quand ça bouge, pareil, t'as musique dynamique. Mais sinon, en temps normal, ah non, t'es vraiment dans l'espace. Je suis chaud. Bah voilà. Bah ouais, franchement. Vraiment, ce jeu, moi je le conseille à tous. Je connaissais, hein, rien du jeu avant le podcast et bah, je suis méga chaud. Et d'ailleurs, je crois que si je dis pas de bêtises, alors ça c'est info à 10 minutes, hein, le classique. De tête, il est sorti plus tard sur Switch, mais il est sorti sur Switch avec une petite version collector il y a un mois et demi de tête. Sérieux ? J'ai vu passer la news dans les mails de Core Media et. OMG ! Donc, putain, j'ai un Instabuy alors. Hein. Évidemment, je vous laisse vérifier, mais n'hésitez pas. Mais de tête, je suis quasiment certain que Kourou est sorti également sur Switch. Et ben, la Switch mérite ce jeu. Et bah, en espérant que du coup il tourne bien sur Switch également, à vous de tester. Et non. Et est-ce que tu aurais omis de nous donner des détails sur ce jeu, ou est-ce que tu penses avoir fait le tour? Alors, je me connais, je suis monsieur détail, donc je me retiens, mais je pense que j'ai quand même donné, voilà, ce qu'il fallait. Il faut donner quand même encore un peu de grain à moudre à nos très chers auditeurs et auditrices, quand même, qu'ils puissent découvrir des choses. Vous allez découvrir une chose, vous aimez le drift? Vous aimez Initial D? Eh ben, on peut drifter avec ce vaisseau. Non, mais en fait, achetez-le. Achetez-le. Achetez-le. C'est moi, fallait commencer par ça. On s'en ratait, on aurait gagné 20 minutes. Ah bah oui, mais j'ai jamais vu un pilotage de vaisseau aussi dynamique. Non, en tout cas, ça m'a bien chauffé. Même dans Battlefront 2, tiens, pour comparer un peu. Ouais, après Battlefront 2, c'est un peu rigide, tu vois. Ah oui, mais c'est pas un jeu de vaisseau. Mais pour... ouais, c'est pas mais un vrai jeu de vaisseau. T'as quand même du. T'as des phases de vaisseau, etc., etc. Je suis... Battlefront 2 PS4, évidemment. Enfin, ah oui, oui, voilà, oui. Mais en tout cas, ça m'a bien chauffé. Perso, je suis chaud de ouf et j'aurais pas dû te le laisser. Et non, je l'ai vu, j'ai fait « Non, non, c'est pour moi, c'est pour moi. » C'est le jeu, c'est le jeu. Eh bien, très bien. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir présenté ce magnifique jeu. Ah bah, merci de m'avoir accueilli sur cette émission. Peut-être qu'un jour, on testera un jeu que nous envoie Core Media. Et en vrai, j'aimerais bien, parce qu'à force, on va penser qu'on est dévendu. Peut-être le prochain. Peut-être le prochain, qui sait, qui sait. Et oui. En tout cas, encore merci d'avoir suivi cet épisode de Dany Minute IX. Merci de nous Alpha écouter. Prime, là on sort pas mal d'épisodes Alpha Prime, on va essayer de tenir un rythme un peu comme ça, un peu plus régulier, donc voilà, en gros il y aura un petit peu moins d'épisodes classiques, bon, on sera plus autour des 2 mois que les 6 semaines, mais ouais, on aura beaucoup plus d'épisodes du coup un peu plus comme ça, plus, et vous inquiétez pas, il y aura pas que des jeux Core Media, la preuve avec Master Duel évidemment, eh oui, mais oui. Il y aura pas que du jeu vidéo surtout, c'est que comme je le disais à l'épisode Master Duel, on a déjà pas mal d'épisodes écrits sur d'autres choses, donc de la musique, des animes, etc., etc. Donc voilà, on est encore un peu en restructuration interne sur les chroniqueurs, on essaye de se diversifier là-dedans. Mais voilà, donc tant que vous kiffez, c'est l'important. Nous, on se fait plaisir, et si on peut vraiment faire plaisir à une personne derrière les micros et les casques, c'est le but. Merci beaucoup, Eric. Eh ben, merci beaucoup à toi, Arthur. Merci de m'avoir invité sur ce podcast. Bon, tu sais, tu dis invité, mais maintenant, t'es un vrai chroniqueur. Hein, ah oui, t'es c'est plus vrai, invité maintenant. Je suis trop humble. À la maison. Je suis trop humble. T'es à la zombie, hein, t'as même présenté un épisode, hein, c'est pour dire. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Merci à toutes et à tous, et des gros bisous. Gros bisous à tous. Passez une bonne journée et une bonne soirée. Ou une bonne matinée, c'est ton Ou une bonne matinée, on sait jamais. Bon appétit à ceux qui mangent, etc. Exactement. Bonne digestion. Salut.